Si vous me permettez, je parle d'un sujet, la nécessité de l'obéissance dans nos vies. Si vous voulez, si vous trouvez bon, j'en parle et que nous voyons dans la Bible. D'accord, on y va. Ouvrons donc la Bible, commençons quelque part. Ça va, frère? Ton épouse est où? Ouais, ok. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons constaté qu'elle n'a pas pu être. Mais la question était quoi, frère? Ok, donc ouvrons le livre de 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire si Dieu permet, pour nous avoir lu plusieurs endroits, c'est donc que ça va arriver. Oh mon Dieu. On y va. La nécessité de l'obéissance dans nos vies. 1 Samuel chapitre 15. On y va. Aidez quelqu'un parce que la compte goutte là, on n'a pas arrivé aujourd'hui. Nous allons lire ensemble et nous allons voir. Donnez une Bible à cette femme-ci pour qu'elle puisse lire. Parce qu'elle est. Oui, donnez-lui une Bible qu'elle lit en dehors du téléphone parce qu'on puisse lire. J'ai ma Bible. Ok, t'as lu bien là. Ouvre alors 1 Samuel, on lit ensemble. Voilà. Regardez. J'ai dit à partir du verset 1. Samuel dit à Saul. C'est la même chose. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Vous y êtes, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Je veux que vous souligniez ça dans votre Bible. L'expression que le prophète a dit. Écoute donc ce que l'Éternel dit. C'est sur ça qu'on va. C'est tout autour de cette phrase que nous allons construire, ce que nous allons parler maintenant. Mais c'est quand même terrible, hein, à savoir seulement ce qui arrive au milieu chrétien. Regardez. Samuel vient voir Saul. Vous connaissez l'histoire de Saul, n'est-ce pas? Vous connaissez qui est Samuel? L'un des prophètes authentiques que la Bible présente. Qui n'a jamais usurpé quoi que ce soit, ni commettre l'injustice, ni prendre l'argent de quelqu'un pour manger quoi que ce soit. Il vient voir le roi Saül. Il lui dit, écoute donc les paroles de l'Éternel. Je veux que vous mesuriez cette phrase-là. Écoute donc la parole de l'Éternel. Donc quelqu'un s'est tenu devant toi, dit quelque chose que c'est le Dieu créateur qui est en train de parler. Il dit, écoute donc les paroles de l'Éternel. Écoute donc ce que l'Éternel, ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, dans un mode français, on va dire que on va citer Dieu. C'est-à-dire que normalement, on va mettre les guillemets là-bas. Ça veut dire que ce qui est contenu dans les guillemets, c'est exactement ce qui est sorti de sa bouche. Il faut qu'on mesure. Donc quand vous voyez à chaque fois dans la Bible, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ce qu'on cite là, c'est Dieu qui est sur le trône de Père comme ça, parler. C'est ça que c'est quand on dit porte-parole. Dieu parle, que prend, va lui donner, il revient, il répète cela. On parle donc du style direct. Donc, tu cites ce que la personne a dit. C'est n'est-ce pas? Je vais te dire par exemple, j'envoie le frère Achille qui va dire au frère Henri que je sors, je reviens à 10h. S'il vient, il dit que le frère Junior a dit qu'il sort, il revient à 10h, c'est un style indirect. Il a dit avec ses propres paroles. Mais s'il vient avec le frère Henri, il dit, frère Henri, le frère Junior a dit, je sors, je reviens à 10h. Ce ne sont pas ses paroles. Ça, ce sont mes paroles qu'il a rapportées. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, quand la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il y a un deux points. Normalement, en langage français, ce qui suit, on devait mettre entre guillemets. Puis on dit maintenant, je me souviens, ou remarquez que ce n'est pas le prophète qui parle. Il cite je en tant que Dieu. Donc, c'est la parole que Dieu a dit. Donc, Dieu a dit à Samuel, va dire à Saül, je me souviens, voilà comment il dit pas là. Je me souviens lorsque mon peuple les aurait passé, il y a cela plus de 400 ans. Je me souviens quand mon peuple les aurait sorti de l'Égypte, les Amalécites ont fait telle chose. Lisons là. Je me souviens de ces Kamalek. Fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Vous avez vu? Dieu a gardé ça dans son cœur. Il dit, j'étais au tournant. Pour 4 siècles, Dieu revient là-dessus. Va! Écoutez bien. Vous avez vu l'ordre? Donc, il dit, écoute. Pour dire, fais attention. Prête attention. Prête l'oreille à ce que je vais sortir. Que Dieu est en train de dire. Va! Par un premier ordre. Donc, tu dois quitter d'un endroit pour aller. Il dit, va maintenant. Puis, il va lui donner ce qu'il va aller. Quand il va aller, il va faire. Écoutez ça attentivement. Frappe Amalek. Et ne vous pas interdit. Quand on dit ne vous pas interdit, ça se pose qu'on tue tout ce qu'il y a. Vous y êtes? Tout ce qui lui appartient. Vous avez vu le mot tout, n'est-ce pas? Vous y êtes, mes frères? Amen. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme et femme, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà la mission. Vous avez suivi? C'est sorti de la bouche du Créateur, comme ça. Je vais parler de la nécessité de l'obéissance au milieu chrétien. Souvenez-vous, il a commencé par écoute ce que dit l'Éternel. Maintenant, Saul convoquant le peuple. Oui. Il est dans l'intention donc de vouloir marcher comme l'ordre est en train de dire, n'est-ce pas? Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que, comme on entend, c'est tout le pays qui est engagé là derrière. Dieu a parlé au roi. Les rois, c'est pas comme ceux qui devaient se reparler maintenant. C'était des combattants, des gens qui portaient la guerre. Quand il y avait la guerre, il montait sur les chevaux, il était devant. Il amenait tout le peuple derrière eux. Et donc, il a passé la troupe en revue pour dire qu'il met les différents contingents, donne les ordres aux chefs des milliers, des centaines, des cinquantaines. Comment ils vont faire la guerre? Vous savez ici, n'est-ce pas? Ok. Saul marcha jusqu'à nous, verset 5 de 1 Samuel 15. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte et que les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Si vous prenez votre lecture dans le livre d'Exode, chapitre 10 et autres, là-bas, vous allez remarquer que Dieu, et c'est exactement ce qu'ils ont fait quand Israël sortait. Et ceci va nous donner quelques petits enseignements. Que si tu fais quelque chose contre un chrétien, tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est ce que nous venons de voir. Tôt ou tard, si tu fais quelque chose contre un chrétien, ça va te rattraper. Le cadre du peuple juif, ils ont fait ça 4 siècles. La population juive qui était là n'est pas la population qui était sortie du pays d'Égypte. La population d'Amalek qui était sur place, ce n'est pas la population qui avait refusé cela. Mais le pays est resté le pays. Un point, un trait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ils avaient fait du mal au peuple de Dieu. Les anciens avaient fait le mal aux anciens du peuple de Dieu. Il fallait la vengeance que ça se sacrifie. Donc faisons attention. On ne fait pas du mal. Déjà que la Bible a interdit clairement que même avec les ennemis, qu'on soit en paix, qu'on prie pour eux. C'est pas ça? Alors je suis dit donc que ceux qui les élèvent contre un enfant de Dieu, tôt ou tard tu vas en payer. Tôt ou tard tu vas en payer. Mais de même, et vous remarquez que c'est les mêmes choses qui vont être retirées dans la Bible. Nous avons jusqu'à dire que si quelqu'un donne un seul verre d'eau à l'un de vous parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra point sa récompense. Voilà ça en Bible là-dedans. Le simple fait que les Kenyans aient été favorables aux Juifs d'antan, voilà pourquoi on les a épargnés. On leur a dit que sortez d'ici. On les a mis de côté. Parce que s'ils avaient pris parti d'Amalek, là-bas on devait les tuer. Alors je pose la question. Est-ce que quand Amalek, les Amalekiens étaient là-bas, ils pouvaient imaginer qu'il y a une colère contre eux? C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier si on est en règle avec le Seigneur. Il faut toujours vérifier si on est en règle avec le Seigneur. Mais restons dans le canevas selon lequel Saul a reçu un ordre et il est censé aller accomplir une mission. On lui a dit, va maintenant, frappe Amalek, ne vous pas interdire tout ce qui arrive, tout ce qui lui appartient, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et ânes, brebis et bœufs. C'est ce qu'on lui a dit. Tout est là. La mission est claire. Donc ça veut dire qu'il arrive là-bas, il voit les lièvres. On lui a dit qu'il faut qu'il ne vous pas interdire tout ce qui lui appartient. On est d'accord? Suivons la mission. Il est arrivé, donc il a mis les Kenyans à part. Saul bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Vous avez vu? Tout le peuple. Il a pris vivant Agag. Il a pris le roi. Il n'a pas tué le roi. Il a tué tout le monde. Il n'a pas tué le roi. Verset 9, mais, voici quand il lit la Bible où il y a les commandements, je n'aime pas les parties où on dit mais, chaque fois. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de cette époque-ci. Vous allez présenter la Bible à quelqu'un noir et blanc. Présenter du début jusqu'à la fin, présenter une vérité, puis dire à la personne que est-ce que c'est la vérité? Il dit oui, puis il ajoute mais. Comment c'est possible? Comment tu peux dire oui? Mais viens faire encore quoi, frère? Dis à ton voisin, mais viens faire quoi? Ou c'est ça, n'est-ce pas? Donc tu présentes la vérité à quelqu'un, est-ce que Dieu a dit ça? Oui. Mais tu ne penses pas, si Dieu l'a dit, tu vas encore penser quoi? Il a dit sa vérité, c'est un point, c'est tout. Dieu ne discute pas, il ne tire pas avec l'être humain. Il donne ses ordres, il est le chef. Dans une entreprise, quand les gens, on travaille au gouvernement. Le gouvernement donne les ordres, on appelle le cahier des charges. Il y a les lignes de conduite que chacun doit accomplir cela. Et on n'est pas là derrière toi pour te dire que fais comme ça. La cahier des charges t'est donnée. Le travail qui t'a été assigné a été assigné. On attend seulement le rapport. C'est pas ce qu'on fait. Et on fait ça, on obéit ça. Sur le plan humain, ça n'arrive jamais. Parce qu'il faut qu'on accomplisse ce que le cahier des charges dit. Mais voici le cahier des charges de Dieu. On dit que oui, mais je ne suis pas d'accord. Dieu lui-même ne comprend pas que nous sommes dans la chair. Qui t'a créé? Hein? N'est-ce pas Dieu qui nous a créé? S'il t'a dit quelque chose, il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce que la Bible déclare, que ces commandements ne sont pas pénibles. Et l'autre personne dit que non. Il croit qu'on est esprit. Est-ce qu'il a écrit ça pour les esprits? Non, c'est pour, dis à ton voisin, c'est pour la chair. C'est pour la chair. C'est pour que ta chair se stabilise. C'est pour que ta chair se stabilise. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit ici, la Bible déclare mais. Il dit, quand il dit mais, mon corps commence à trembler. Parce qu'il sait que ce qui est écrit là-bas, c'est contre Dieu. Les commandements du Seigneur sont oui et amen. Même si ça te fait mal. Alors, nous parlons de la nécessité de l'obéissance. La nécessité de l'obéissance au Seigneur. Mais seul est le peuple épargné à Gad. Vous avez vu? Qu'est-ce qui est arrivé? La pensée humaine s'est interférée avec l'ordre de Dieu. Le trouble, le manque d'obéissance au commandement de Dieu arrive lorsque cette situation est mise en place. Lorsque la pensée humaine commence à interférer à l'ordre de Dieu, il y a nécessairement et indiscutablement désobéissance. Il y en aura. Parce que cette pensée, s'il va commencer à amener le raisonnement, on va commencer à raisonner, donner l'interprétation autre qu'on voudrait que ça concourt pour notre pensée. Et par conséquent, on va sortir du chemin, du plan. Je crois que l'ordre qui a été donné par le Seigneur ici dans ce verset de 1 Samuel 15 a été un peu plus clair. Va, dévoue par intérêt, il n'y a pas de parabole. Tu, homme, femme, enfant, nourrisson. Donc si on voit l'enfant qui est dans le sein, il est dessus le sein, on passe l'épée sur lui. Vous dites, Dieu est mauvais, on ne sait pas ce qu'il en est. Amalek. Si on avait le temps, il devait retracer ça, on devait rentrer dans la Genèse pour que vous voyez son origine. Vous allez voir qui est Amalek, ce qu'il a fait depuis. Suivez seulement cette ligne, vous allez voir ce qu'il en est. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit cela. Pourquoi c'était nécessaire à cette époque-là que Dieu fasse ainsi. Il y a eux, les Moabites. Il y a eux, les Madianites. Suivez seulement cette ligne, rentrez dans la Genèse, observez d'où ils sortent. Il y a les Ammonites. Vous allez comprendre pourquoi dans Deutéronome chapitre 23, verset 1, il dit que l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée des saints, même jusqu'à 1000 générations. Vous allez voir pourquoi il a dit cela. Donc quand Dieu dit quelque chose, il sait mieux que nous. Si Dieu te dit par exemple que ce n'est pas ta femme là-bas, ça veut dire qu'il sait pourquoi il est en train de dire. S'il dit que fais telle chose, même si ça ne semble pas être bon, là maintenant nous croyons jusqu'à ne sachant pas. Est-ce que vous et nous, nous sommes en 2016, nous savons ce qui va arriver en 2017, mais il a tout programmé. Il te dit que marche comme ça, parce que en prélude à ce qu'il a programmé, tu commences à raisonner avec notre petit cerveau d'oiseaux que nous avons. On a seulement amplifié ça pour que ça soit gros plus que les oiseaux. Oh mon Dieu. Oh, Saul bâtit, on dit verset 9, mais Saul et le peuple épargné à Gad, verset 9, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Vous avez vu? Frère, c'est une chose terrible que de faire ceci. C'est une chose terrible. Souvenez-vous des récabites qui ont ébouillé aux ordres de leur père sans détourner de rien à gauche ni à droite l'ordre d'un être humain. Mais voici Dieu qui a donné. Regardez ce qu'un être humain fait. On dit, Saul et le peuple ont épargné. Il dit, on dit, le roi. Donc, le roi, c'est très beau, hein. Laissons-le vivant. Est-ce que c'était notre mission? Est-ce que c'était notre volonté? Pour accomplir et être dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour être obéissant à Dieu, il faut vérifier quelle est sa volonté et y marcher. C'est ça, hein? Il faut vérifier quelle est sa volonté et y marcher. Alors, on dit que tu es obéissant. On n'est pas obéissant en disant que Seigneur, je t'aime parce que tu es mon Dieu. Arrêtez ça. On n'est pas obéissant en Dieu en disant que je lis la Bible. Si vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas mettre en pratique. La Bible déclare que tu es exactement comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, puis va oubliant ce qu'il en est. Il a dit que cette personne, c'est qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Hein? On dit, mais celui qui se met à l'œuvre, n'étant pas nul, se met à l'œuvre, hein, commence à pratiquer. Pratiquer la parole. En anglais, on dit, be doers of the word. Donc, faiseur des paroles. Faiseur des paroles, littéralement, ça veut dire faire la parole. C'est-à-dire, laisser que la parole vit en nous. C'est ce que le livre de Jacques dit. Donc, il y a des gens qui, quand ils regardent la Bible, ils voient que la chose est claire dans la Bible. Ils essaient de regarder les gens qui peuvent être d'autres avis contraires pour se consoler avec ce groupe-là. Ça fait que si Dieu frappe le premier, il va te frapper de la même façon. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu était frappé, il va frapper de la même façon. Si dans ce peuple-ci, les Amalécites, 400 ans plus tôt, il y avait un Amalécite qui avait décidé que non, je ne suis pas d'accord avec vous, il avait pris position, on l'avait maltraité là-bas. Sa famille devait être protégée dans cette affaire-ci. Vous vous souvenez de lorsqu'ils sont entrés dans le livre de Josué, où ils sont allés faire les espions, Rahab la prostituée. Vous avez vu ce qui est arrivé? Rahab la prostituée. Vous avez vu ce qui est arrivé? Sa famille a été épargnée. On a dit que quand on va dévoiler, par exemple, la ville, il suffisait seulement d'être dans la maison de Rahab, tu étais épargné à cause de ce qu'elle avait fait, avait eu de la bienveillance pour les espions. Observez, vous allez voir la même chose lorsque chaque fois que les Juifs allaient chez les gens. Quand on a la bienveillance, parce que Dieu a dit dans la Genèse, j'ai bénirai ceux qui te béniront, j'ai maudirai ceux qui te maudiront. Ça suit tous les Juifs sans exception. Il dit bien, ça suit tous les Juifs sans exception. Parce que Dieu a prononcé cette parole nonobstant les péchés. C'est pour ça que malgré qu'il vivait dans le péché, le prophète Balak pouvait amener Balaam d'aller maudire. Il ouvre la bouche comme ça, c'est les bénédictions qui sortent. Parce qu'il dit que je ne vois point d'iniquité en Israël. Pourtant, vous lisez, vous voyez très bien que Israël travaillait Dieu là-bas dans son cœur avec le péché. Parce qu'il y avait une loi, je bénirai ceux qui te béniront. Donc si Israël a le problème, c'est son problème avec Dieu, pas le problème avec les hommes. C'est à Dieu de régler le problème. Même si un juif a tort n'importe comment, lève la main contre lui, vous allez voir. La RD, c'est un des soufflés comme ça au juif à cause de ces juifs-là. Peut-être ils ne savent même pas que la malédiction vient de quelqu'un. Vous allez au Conseil des Nations Unies, on veut voter. Vous savez, les choses qu'on fait dans le pays, les gens des rois de ce monde aussi très cherchent des problèmes, ils amènent sur les gens. Ils sont au Conseil des Nations Unies, on veut voter une résolution pour aller combattre Israël. Ils lèvent la main que nous votons la résolution pour qu'on contre Israël. Qu'est-ce qu'elle est la malédiction? Le représentant du pays de Kinshasa. Ok, vous voulez combattre Israël, le même combat sera chez vous. Toute personne, toute civilisation qui s'est levée contre Israël est tombée. Toute civilisation. Et c'est comme ça que sa civilisation est tombée. C'est comme ça que le roi du Nord va tomber en Israël. C'est ainsi dit la parole. Donc, Dieu a dit à Saül, va, ne vous pas interdit, tue tout ce qui lui appartient, ne vous pas interdit, parce qu'au fil de l'épée, homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, âne, brebis, ainsi de suite. Il part, il laisse le roi Agag. Il lui épargne la vie. Il laisse les meilleurs produits, les meilleurs bœufs, les meilleurs ceci, ceux qu'ils ont jugés. Dieu, lui, en regardant pour dire, tue tout, n'avait-il pas vu des choses meilleures? Avançons dans la lecture. Le voleur souvent dit, il ne voulut, nous sommes la partie C du verset 9. Il ne voulut pas dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut, la parole veut nous dire? Qu'il y a des gens qui vont dans la Bible, ils choisissent les versets qui les arrangent, ils décident d'accomplir cela. Dieu veut 100%. C'est pour ça qu'il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Il n'a pas dit d'une partie de ton cœur. De toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Quatre choses. Ah, vous voyez, si on prêche seulement sur cette notion-là, ça enlève encore 99% des chrétiens. Aimes-tu le Seigneur de toutes tes forces? Oui, j'aime le Seigneur de toutes tes forces. Combien de temps passes-tu en ta présence? Ça règle le problème. Si tu aimes quelqu'un, tu aimeras toujours être dans la présence de la personne. Alléluia. Ne me regardez pas comme ça. Je vous aime. L'Éternel, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, écoutez très attentivement, voici les choses tristes de la Bible. Je me répands d'avoir établi Saul pour roi. Soulignez, car il se détourne. Voilà, soulignez, car il se détourne de moi. Et puis je vous explique quelque chose. Car il se détourne de moi. Je veux que ceci reste gravé dans votre mémoire, dans votre cœur, que ça ne vous quitte jamais jusqu'à ce que vous quittez cette terre-ci. Je veux donc votre attention, après que vous aurez souligné cela. Je veux donc que ceci ne vous quitte jamais votre âme, que ça reste gravé dans votre âme, dans votre pensée. Que vous, si vous faites n'importe quel rêve, même si vous rêvez dans une maison, que vous voyez ça écrit au mur. Vous saisissez, je veux que ceci soit à votre... Frère, c'est vrai, je veux ton attention. Je vais relire, vous me regardez, je vais relire le verset, puis je dis ce que j'ai à dire. Ne quittez jamais, c'est que ceci ne quitte pas votre âme, votre vie, que ça soit attaché à votre vie. Je vais relire cela. Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Je vais redire, donc, ça autrement. Suivez attentivement. Car il se détourne de moi. Souvenez-vous de ceci. Se détourner de Dieu ne dit pas que je me tourne vers Dieu, je ne suis pas contre lui. Il suffit de ne pas observer son ordre. Tu t'es détourné de lui. Raconte ce que tu avais raconté. Tu as quitté Dieu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit l'obéissance, c'est connaître la volonté de Dieu et y marcher. Si tu connais sa volonté, tu n'y marches pas, tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. Souvenez-vous de cela. Que c'est sans équipe, de nous quitte jamais. Car il s'est détourné de moi. Ok, ils sont allés à la bataille, ils ont combattu, non? Jusqu'à mettre leur épée comme ça, non? Mais tu prends les choses, on va commencer à ranger. Est-ce que vous avez vu quelque part, Saul, il ne peut pas dire que nous détournons de Dieu? Est-ce que vous avez vu quelque part, il a dit que nous détournons de Dieu? Son action permet à Dieu de comprendre qu'il s'est détourné. C'est ça? C'est même Samuel qui va avoir la confrontation de ce même peuple juif au chapitre 7, sous le chapitre 7, au chapitre 8. Avant que Saul ne vienne en action, c'est-à-dire qu'avant que Saul ne soit établi roi, ils ont rassemblé Samuel comme ça, ils disent que tes fils ne marchent pas d'après tes voies. Établis sur nous un roi comme des nations. C'est quand même terrible. S'ils avaient au moins dit dans leur langage que pris le Seigneur pour nous, pour choisir, qui va dominer sur nous, ça aurait été changé. Mais le vrai problème, c'est qu'ils vont prendre la copie des nations. Deuxième désir, c'est que Satan a inspiré là-bas. C'est la même chose qui se passe au milieu de l'église aujourd'hui. Où les gens sont, ils ont dit que notre cantique, si on chante, ça ne donne pas bien. Il faut qu'on prenne le rap qui est dans le monde, les paroles de Michael Jackson, on met les paroles chrétiennes. On prend coller la petite, on enlève la chanson qu'il a dit, on met le petit. Et du coup, où il y a quoi de mal à cela? C'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est exactement ce que l'église fait aujourd'hui. On copie du monde, on essaie de sanctifier. Vous pouvez sanctifier Satan? Vous pouvez sanctifier ce qui est impur, frère? Faisons attention. Connaître la volonté de Dieu, y marcher, on dit qu'on est obéissant. Si vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'y marchez pas, la Bible déclare que vous êtes détourné de Dieu. C'est une chose terrible que de connaître la volonté de Dieu et ne pas y marcher. Souvenez-vous, dans une soirée, je parlais de celle riche, l'homme, ce jeune homme qui venait rencontrer le Seigneur Jésus. Que faut-il faire? Quand il dit que faut-il faire, il veut chercher quoi? La volonté. Il veut chercher quoi, frère? La le Seigneur qui lui dit que va, vends tout ce que tu possèdes. C'est sa volonté là-bas. Distribue-le. S'il vend, il donne à sa famille, il n'a pas accompli la volonté. Il doit, un, vendre. Deux, distribuer aux pauvres. Trois, revenir. C'est voilà les trois conditions pour lui. Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Il a dit, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le à nos monde pauvres. Viens sur moi, tu auras de plus. Le gars a dit que j'étais d'accord avec toi depuis quand tu as dit toutes les autres choses. Quand tu faisais le miracle, d'accord avec toi. Jamais on n'a entendu des choses dans l'Ancien Testament. Ça ne va pas, il n'y a pas un commandement comme ça. Mais voilà un commandement qui lui avait été donné. Alors, connaître la volonté de Dieu et ne pas y marcher, c'est se détourner de Dieu. Voici donc quelqu'un à qui on a donné le commandement, on lui a donné l'ordre de Dieu, il a entendu bien la voix de Dieu. Mais je veux que vous compreniez ce que j'ai dit, il faut que ça reste dans votre âme, c'est que se détourner de Dieu ne veut pas dire, Seigneur, il ne suis plus avec toi. Je n'ai jamais dit dans ma bouche qu'il me détourne de Dieu. Je veux que vous voyez le contexte, comment Dieu lui veut, comment lui voit la chose. Saül n'a jamais dit nulle part que je me détourne de Dieu. Il a suffi à Samuel, à Saül, de faire seulement une partie de la chose. Une partie de ce que Dieu a dit. Il est effectivement allé parce qu'on a dit va. On a dit dévoue par interdit Amalek. Il a dévoué par interdit, mais il a épargné le roi, épargné quelques bœufs de meilleurs brebis. Et souvenez-vous de cela. Il n'a pas épargné ça pour lui parce que la suite nous dit qu'il a épargné ça pour donner un sacrifice à Dieu. Donc ne servez jamais Dieu avec notre façon. Servons Dieu à sa façon à lui. Amen. Vous savez ça? Ne savons pas que nous disons pas que ceci est bon pour Dieu. Oui, pourquoi on a mis le frère là-bas? C'est pour que, comme on a vu la dernière fois, c'est pour que si un frère souffre, vous préparez quoi sur ces frères-là comme ça? La souffrance. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tant qu'il a, comme il a montré, faisons comme ça et faisons-le confiance, tout simplement. C'est n'est-ce pas? Il dit que je me repens d'avoir établi Saül roi, car il s'est détourné de moi. Mais c'est quand même terrible. Mais je veux que vous regardiez, il n'a pas dit que je me détourne. Alors, je prenais l'histoire des peuples juifs dès le départ, quand ils ont dit à Saül, à Samuel, que établis sur nous un roi contre, comme sur les nations. Remarquez que le véritable serviteur de Dieu a vu que c'était un mauvais démon. Et on commençait à dire, pourquoi? Il a dit, non, établis un roi sur nous. Quand Samuel s'est tourné, oh Seigneur, il dit, reste tranquille. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Est-ce qu'ils ont dit quelque part que Dieu ne règne plus sur nous? Non. Hein, frère? Non. Est-ce qu'ils ont dit ça? Il a fallu seulement qu'il fasse un choix qui n'est pas le choix de Dieu pour être suffisant pour dire qu'il s'est retiré de Dieu. Il veut que vous voyez la gravité de la situation. Parce que les gens commettent des actes devant Dieu. Après, ils disent que je n'ai rien fait, ils ne comprennent pas. Et vous allez voir que c'est la même réaction que Saül va avoir quand le prophète va venir vers lui. Au moins, il avait quelqu'un devant lui qui pouvait lui dire quelle est la volonté de Dieu. C'est une chose terrible que d'avoir quelqu'un qui peut dire la volonté de Dieu et tu n'y marches pas. Il y a des gens dehors qui cherchent comment faire pour s'en sortir ici, mais ils n'ont même pas la grâce pour voir quelqu'un qui peut le conduire dans la vérité. Et quelqu'un a la révélation de la vérité dans la Bible, il détourne. Vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Alors, Saül rencontre donc Samuel. Samuel lui dit que voici la volonté de Dieu. Va marcher. Va! Il est allé. Maintenant, il est allé. Passe par interdit. Il a violé par interdit. Mais. Il ne faut pas qu'il y ait des mais en nous. Regarde quelqu'un. Pointe ses yeux. Pointe quelqu'un. S'il ne te pointe pas, pointe ses yeux. Pointe ses yeux. Dis, arrête le mais. Arrête le mais. Dis la partie des mais là. La partie des mais là. Ne dis plus. Ne dis plus. C'est ça, frère. C'est dangereux. Dans la Bible, un de ces jours, il parle seulement sur mais. Vous allez voir dans la Bible, vous allez voir les chefs de Dieu. Mais le peuple s'impatienta. Subitement, ça va conduire au péché. C'est Moïse, cet homme. Il commence cet homme. Quand on dit cet homme, quand c'est faux, il dit cet homme, on ne sait même pas là où il est sorti. On avait dit qu'il devait nous faire dormir dans les yeux. Vous avez suivi, non? Ils oublient que, de façon irrépréhensible, il a levé le bâton là, l'eau s'est écartée. Ils ont traversé là-bas, ils ont tourné en bordure, il a fait comme ça, ça a fermé l'ennemi. Ils ont dit qu'il a fait tomber cheval et cavalier danser. Deux jours après, ils font que c'est Moïse là, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. l'être humain. Nous ne sommes pas comme ça. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'imitions pas ces choses-là. Il parle donc de l'obéissance, la nécessité d'être obéissant. Être obéissant, je le dis, c'est écouter la voix de Dieu. Souvenez-vous, il a dit, écoute les paroles de l'Éternel, écoute ce que Dieu dit. C'est écouter, assimiler sa volonté et y marcher. C'est ça l'obéissance. Et ceci est valable sur le plan humain ou comme sur le plan de Dieu. Voici le père de la maison, par exemple. S'il dit à sa femme que les dimanches, je ne veux pas que cette porte soit ouverte. Un de ces dimanches, elle ouvre la porte, elle a désobéi. Même si elle dit n'importe quoi, parce qu'il a déjà dit que les dimanches, que cette porte ne soit pas ouverte. Il n'a pas dit que sauf si. S'il dit sauf si, il a ouvert une brèche. D'accord? Et Dieu sait tout. Il y a des gens, si vous lisez le nom chapitre 31, il va dire que lorsqu'ils ont allé tuer les Amalécites, cette fois-ci les Mandianites, à cause des trucs de pile à bord, lorsqu'ils les avaient emmenés dans la fornication, il va donner l'ordre qu'on tue toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme, mais qui ne faisaient pas une vierge. Mais ici, il a donné un autre ordre. Il a dit qu'on tue tout le monde jusqu'aux enfants. Parce que Dieu sait pourquoi il a fait telle chose. Les façons de Dieu de fonctionner, ce n'est pas conventionnel. Dieu n'est pas monotone, il ne fait pas la même chose chaque fois, de la même façon. Est-ce que vous me saisissez, frère? Donc, c'est une chose terrible que d'écouter la voix de Dieu. Savoir ce qu'il veut et ne pas y marcher. Dans le Nouveau Testament, c'est pêle-mêle là. Je vais vous en citer. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelqu'un lit comme ça, il raisonne encore. Donc Dieu veut votre sanctification. Il a dit qu'on dise que ce que je veux de vous, c'est que vous soyez saints. Plusieurs fois, il a dit dans la Bible, je suis saint, vous serez saints. Il a dit ça. Quelqu'un lit comme ça, il vit dans la fornication. Je ne peux pas comprendre. Après, il s'appelle chrétien. Vous entendez ça? C'est la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Christ, à offrir votre corps. Offre ton corps. Qu'est-ce qu'on a de dire là? C'est la volonté de Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Comme encore quoi? Saint. Le mot encore c'est quoi? Saint. Voilà encore la même chose. Saint. Agréable à Dieu. Donc, ton corps doit être agréable à Dieu, pas à toi. Ton corps doit être saint. Saint, c'est pas pour toi. Agréable à Dieu. Alors, il dit, si tu fais comme ça, voilà le culte raisonnable que Dieu t'attend. Non, je veux que je chante à louange. Il n'a pas dit ça. Il n'y a pas un verset qu'on dit que va à l'église pour chanter. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ouvre ton corps, voilà un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu. Tout enfant de Dieu va vouloir réjouir le cœur du Père. C'est ça. Dans le Nouveau Testament encore, il dit que c'est plus grave. Et la Bible ne va plus rien pour dire que cette période de grâce, si quelqu'un outrage l'esprit de grâce, c'est terrible pour lui. Continuons ici. Je lis encore le verset 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris le principe du fait que Saül n'a pas dit qu'il se détourne de Dieu. Mais Dieu a donné la sanction qu'il s'est détourné de lui. Et nous comprenons pourquoi il s'est détourné. Parce qu'il n'a pas observé l'ordre de Dieu tel qu'il l'a donné. Donc Dieu ne veut pas un pourcentage. N'essayons pas de nous raisonner en disant que moi, au moins, je fais 70%. Il y a des gens qui n'atteignent même pas 30%. On ne se compare pas avec un autre. Chacun doit résoudre son problème devant Dieu. Vous dites, je porte mon foulard. Ok, voici ce que les soeurs font. Tu veux me dire que la femme là qui prie là, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, que tous là vont aller en enfer? Je pose la question. Si les Amalécites étaient sur la terre, versés comme ça là, et que tu regardes le peuple là comme ça, tu dis qu'ils ont péché contre Dieu, Dieu va les détruire tous. Quelqu'un dit que, tu veux me dire que Dieu va tuer que le petit bébé, c'est qui parmi les Amalécites, qu'il a fait quoi? Le parce qu'on a tué, non? Il était là-bas le jour quand ils avaient bloqué la route à Israël. Donc faisons attention du jugement de Dieu. Faisons attention. Si elle est allée jusqu'à détruire les nourrissons pour détruire Amalek, faisons attention du jugement de Dieu. Donc, tu veux me dire que les musulmans et les bouddhistes, 1 milliard de personnes comme ça, comme ils ne connaissent pas Dieu, vont aller en enfer. Jusqu'à tu mets fer. Oui. Dit la Bible. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et si la colère de Dieu demeure sur lui, le jour de l'éternel, c'est pour lui. C'est ça. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu, pas le jugement de l'homme. Tu veux me dire que je vais aller en fait, si je continue comme ça, c'est le jugement de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Quiconque ne m'aime pas, il aime ça, la mort. Si tu hais Dieu, la Bible déclare que tu aimes la mort. Et haïr Dieu, il suffit de marcher hors de sa parole. Vous voyez quoi la gravité? Donc quelqu'un peut dire qu'il sait Dieu, mais il est désobéissant. L'une des choses qu'il veut vous faire comprendre, c'est que Dieu veut 100%. L'obéissance 100%. Parce qu'il est venu, on dit qu'il a quitté sa gloire. On n'a pas dit qu'il a laissé une partie de la gloire. Il a sacrifié totalement sa vie. Et il veut donc totalement notre vie. glorifier donc Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit qui appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Ça doit être utilisé désormais pour sa gloire. On continue là. Et il n'observe point mes paroles. Vous avez vu le deuxième volet? Et il n'observe point mes... Mais je pose la question. Est-ce qu'il est allé? Saül, est-ce qu'il est allé? Oui. Est-ce que va était contenu dans la parole? Oui. Devez-vous pas interdire? Est-ce qu'il a dû pas interdire? Oui. Maintenant, il y a eu certains aspects qu'il n'a pas accompli, n'est-ce pas? Oui. Dieu, sa sanction a été que il n'observe point mes paroles. Donc, si Dieu vient une fois ce que tu as fait, il va plutôt, pardon, il va plutôt regarder ce que tu n'as pas fait. Dieu va quand même regarder que j'ai quand même fait l'effort. C'est pas ce qu'il voit, c'est pas son jugement. Son jugement, s'il veut regarder à ses sangs, il va dire que as-tu fait oui ou non? Parce que la réponse sera soit oui, soit non. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ceci. Encore quoi? Mais. Tu ne dis pas. Ne dis pas mais. Ou tu es avec le Seigneur, ou bien tu n'es pas avec. Jésus a dit, si celui qui n'est pas avec nous est contre nous, il disperse, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons marcher d'après la voix du Seigneur? Dis donc à quelqu'un que la voix du Seigneur, consiste en l'obéissance à ses paroles. À la soumission à ses commandements. La Bible dit de Jésus que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Vous avez vu cela? C'est pour cela qu'on a dit des sacrifices, parler des sacrifices dans ce livre d'Hébreux, des sacrifices, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il est venu. C'est pour ça que toute personne qui a été sur la terre, il marchait, toute personne qui voulait marcher contre cette volonté-là, il est dégagé. Ah Seigneur, à Dieu ne plaise. Cela, ça n'interviendra pas. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est qu'il donne sa vie pour le monde. C'est pas ça, frère? Quelqu'un se tient devant lui et dit, non, non, ça n'arrive pas, il faut qu'on t'épargne de cela. Vous faites le couteau, il y a deux couteaux qui se. Ça suffit. Vous voulez tuer les gens pourquoi? Il y a une coupe devant moi, ne dois-je pas boire cette coupe? Vous voyez cela? Il connaissait la volonté de Dieu, donc il allait vers le but. Il allait vers le but. En demandant la force que Dieu lui donne de soutenir pour accomplir cette volonté-là. Bien que ce serait difficile. Quand il était sur la terre, il gueulait, il regardait ses les hommes, il savait qu'il allait. Quand il avait fait 2 ans, 3 ans, c'était encore bon. Mais quand il arrivait vers la croix, lui, il comprenait que c'était fort. Que les hommes ne donnent pas le cadeau. Parce que la Bible déclare qu'il connaissait ce qui était en eux. N'est-ce pas lui qui guérissait chaque jour? Il arrivait à la croix. C'était fort jusqu'à ce qu'il dans la prière. Donc il y a des choses qui sont difficiles à accomplir. Allons vers Dieu pour qu'il nous soutienne. Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par des choses dont il a souffert. Donc, il se pourrait que certaines choses, pour marcher dans certaines volontés de Dieu, nous ayons à souffrir. Pour pouvoir marcher dans ces volontés-là. À souffrir. Souffrir le rejet. Souffrir les moqueries. Souffrir la malcompréhension. Tu dis des choses qui sont vraies, on te comprend mal. Souffrir des calomnies, on dit des choses de toi qui ne sont pas vraies. Mais pourtant, tu dois rester calme dans la voie que Dieu t'a donnée. L'obéissance. Avançons ici. Verset 10, verset 11, je ne sais pas, tu veux finir. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel. Comment? Vous ne savez pas comment les serviteurs de Dieu souffrent. Il a passé toute la nuit à genoux à crier devant Dieu. Il a crié que Seigneur, mais c'était réglé pour Dieu. Donc il y a les lignes rouges qu'il ne peut pas franchir. Maintenant, je pose la question. Saül, en faisant comme ça, quand toute la nuit, Samuel était devant Dieu, savait-il qu'il y a une sanction sur lui? Non. Savait-il qu'il y avait une sanction sur lui? Non. Dis à ton voisin, fais attention. N'irrite pas le Seigneur par ta désobéissance. N'irrite pas le Seigneur par ta désobéissance. Donc tu peux rester comme ça, que non, je n'ai rien fait à personne. Et j'imagine que Saül, comme tout bon juif, a prié à 15h, à 12h, à 20h avant de dormir. Oh Adonai, Adonai Elohim. Pas te coucher, Adonai Elohim, tu parles. Dieu ne veut pas les bavardages, il veut l'acte. Il veut l'acte. Si c'est Adonai Elohim, tout le monde fait ça. Si c'est pour dire Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin quiconque croit à lui, elle a vu tenir une périsse, point. Tout le monde peut faire ça parce qu'on résiste ça partout. Vous savez, c'est ça. Hein? Quelqu'un peut résister ça en enlevant quelque chose dans ses dents. Mais maintenant, quelle est l'implication du fait qu'il ait donné sa vie pour toi? C'est que tu quittes le péché. Quelqu'un cite ça en étant dans le péché. Donc, le récitatisme biblique n'est rien. Mais la mise en pratique des 5 choses qu'on a récitées est la plus grande chose. Il faut marcher dans la volonté de Dieu en obéissant à ses voix. Donc, la Bible déclare que Samuel fut irrité. Comment le garçon n'a pas compris? Puis, la Bible déclare, il passa toute la nuit devant le Seigneur pour intercéder. Il regarde bien. la ligne rouge avait été franchie. Et si je veux parler de ceci, comment, quand est-ce que la ligne rouge est franchie? Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saul. Et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saul. Et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. Je vais encore m'arrêter là pour parler. Que tu sois désobéissant à Dieu et que Dieu te coupe, il n'enlève pas le reste des versets de lui que tu savais citer. C'est pour cela qu'on peut apprendre ça à l'école de théologie, que les pasteurs prêchent comme vous prêchez là, mais vous regardez effectivement qu'ils ne mangent pas la preuve de ce que Dieu dit. C'est. Il dit, sois béni de l'Éternel. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Même pas quelqu'un que vous savez tellement qu'il dit le mal de vous, non? Que mon frère, que tu sois été. Même quelqu'un qui vit dans l'une qui dit que Dieu te bénisse. Ce n'est pas difficile pour dire. Ce n'est pas ce qui est important. Regardez la suite. Sois béni de l'Éternel. Qui dit ça? La personne dont une sanction est sur lui sans qu'il ne se rende compte. Et la personne qui l'a dit, sois béni de l'Éternel, est déjà béni de l'Éternel. Il marche dans l'obéissance et Dieu lui a dit quelque chose le concernant. Ah mon Dieu. J'ai observé. C'est dans la parole. Regardez, c'est pas, ne me regarde pas mon cher. Je sais que je suis ton frère. J'ai observé. Ok. Je veux que vous m'écoutez un instant encore. Il faut plus souffler de m'écouter. Pour que je réitère ceci. Dieu a donné une parole. Il s'attend à ce que ces paroles soient accomplies telles qu'il a dit, que ce soit pratiqué tel qu'il l'a donné. Un être humain choisit d'accomplir certaines parties là-dedans. Et il donne sa part d'appréciation. Ce qui n'est pas l'appréciation de Dieu. Donc, pour que ton appréciation soit celle de Dieu, il faut observer si oui ou non tu as marché exactement comme Dieu a dit. Vous savez, c'est frère. Voilà. Alors, regardez très bien ce que Saul dit. Il dit, sois béni de l'Éternel. Donc, les réflexes pentecôtistes. J'ai observé la parole de l'Éternel. On lui a posé une question. C'est la preuve que quelque chose n'allait pas en lui. Il voulait que c'est justifié. Et on le trouve dans un haut lieu. Il allait faire une fonction qui ne lui était pas réservée. Il a bâti un monument. Puis il allait à Gilgal pour aller faire des sacrifices. Ce qui était réservé au prophète qui était là-bas. Son rôle en tant que roi, c'était d'aller combattre. Et s'il faut faire le sacrifice, il faut que le roi, le prophète soit là pour ouvrir les portes pour cela. Chacun avait son rôle. Regardez comment, si tu commences à dégringoler avec Dieu, tu désobéis, les péchés vont aller s'en suivant. Il dit, si tu commences à désobéir à Dieu, tu dis, non, pas le foulard. Le foulard, c'est quoi? Tu vas vraiment que tu as fait le maquillage. En regardant les 7 jours comme ça, que tu as couché avec un homme, regarde que tu as tué l'enfant. Tu as avorté. Ça a commencé au niveau du foulard. Il dit, mais tu ne peux pas voir que c'est venu depuis là-bas. La désobéissance, on va voir cela au verset 23. Regardez, on continue ici. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Ça me dit, qu'est-ce donc que ces bêlements des brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements des bœufs que j'entends? Cela répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à Saül. À l'Éternel. Vous avez vu ça? 1. Lorsque Dieu parlait à Samuel, pour que Samuel parle, il était lui et Saül. Qui a reçu l'ordre? C'est lui qui a reçu l'ordre. Donc c'est lui qui porte. Lorsqu'on nomme quelqu'un dans un poste de responsabilité, vous voyez, quand des exactions se passent à la police, un truc, on demande la démission de telle personne, ou bien on nous démet de ses fonctions. Parce que c'est lui qui a été incapable de gérer la situation. C'est lui le chef. Et puis encore, c'est à lui qu'on a dit. Et il vient informer Samuel maintenant que c'est le peuple a décidé. Vous savez que vous voyez donc que c'est la décision. Si on prend le cadre de la démocratie, vous voyez que la démocratie ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? Quand on dit que le pouvoir au peuple, par le peuple, le peuple, c'est que le peuple veut, Dieu le veut. Ce que le peuple veut, Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu veut qu'il veut. C'est ça. Il dit que le peuple a épargné des brebis pour se sacrifier à l'Éternel, ton Dieu que tu sais là. Est-ce que Dieu avait voulu cela? Non. Voilà. Alors, en tant que chef, c'était à lui de dire au peuple, non, voici l'ordre que nous avons reçu de Dieu, qu'on passe tout cela au fil de l'épée. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saul, arrête! Et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit, 7 heures. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, regardez bien, vous avez vu encore le même mot, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? C'est pour ça qu'au départ, Jésus dit au verset 1 là-bas, il a donc dit que, écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc, sois attentif, prête attention pour accomplir ce que tu vas entendre. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Il dit que pourquoi n'as-tu pas entendu la voix de l'Éternel? Or, remarquez bien que ce n'est pas Dieu qui lui a dit que Saül, du haut des cieux. Il est passé par un homme, il a cité la parole. Toute désobéissance est un péché. Savez-vous ça? Toute désobéissance est un péché. Vous désobéissez à la parole de Dieu, toute désobéissance, quel qu'en soit, c'est un péché. Verset 18, l'Éternel t'avait fait partie en disant, va et ne vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Souligne. Vous avez vu ça, frère? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Or, qu'est-ce que le fait qu'on ne tue pas le bœuf est mal aux yeux de l'Éternel? Parce que ce n'est pas conforme à ses ordres. Nous parlons de l'obéissance, n'est-ce pas? L'obéissance. Un cœur qui est obéissant, c'est un cœur qui sera toujours en relation avec le Seigneur. C'est un cœur que s'il tombe ou bien d'un côté ou d'un autre côté, Dieu va le relever rapidement parce que c'est ce qui marche dans ses mains. C'est pour ça que vous pouvez prendre ces deux personnages, David et Saül, et voir effectivement que c'est en parallèle tout simplement. L'un, le type même de la désobéissance manifeste. L'autre, le type de l'obéissance manifeste et le recours chaque fois à Dieu. David. Vous voyez ça, frère? Hein? Il dit ici, tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que son appréciation à lui met zéro. Pourtant, il a déjà observé la parole de l'Éternel. N'est-ce pas la même chose que Dieu dit à l'église de la Odyssée de cette époque-ci? Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, aveugle. Il dit que tu ne sais pas, c'est le plus grave. Donc, Saül était dans la même condition, il ne savait pas qu'il est disgracé devant Dieu parce qu'il était ignorant du fait qu'il n'a pas oui à la parole de Dieu. Il pensait qu'il suffit de faire au moins ce que Dieu a demandé de faire un peu, que tu aies accompli la volonté de Dieu. Dieu montre que tant que tu n'as pas compris tel qu'il a dit, ce n'est pas ça. Ah, le baptême, pourquoi on est obligé de plonger les gens dans l'eau? N'est-ce pas, est-ce que c'est très important? L'important, c'est le symbole. Demande à ton voisin, c'est toi qui as écrit la Bible. C'est toi qui décides ce qui est bon et ce qui n'est pas bon d'après la Bible. Que c'est juste le symbole. J'avais posé la question à quelqu'un qui est ok. Au lieu de prendre cette eau-là et mettre sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dis, tends ton orteil. Je fais ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de finir, il a dit que non, c'est que j'allais baptême ça. Lui, il a dit que ça ne va pas. Il dit non, tu as dit que ce n'est que le symbole. Il dit, où est-ce que c'est écrit qu'on verse plutôt sur la tête? Parce que j'ai décidé maintenant, il met ce que tu es dans l'orteil droit là. Que je t'ai baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Tu vas sortir, aller dire que tu es baptisé. Lui, il a compris que quelque chose n'allait pas. Puisque l'important, c'est seulement le symbole. Dieu a dit que c'est l'important, c'est le symbole, frère. Non. Il faut prendre ces gens pour les tordre leurs pensées comme ça. Dieu dit quelque chose, quelqu'un vient raisonner. Donc si quelqu'un vous fait ces choses, regardez seulement que c'est l'esprit qui suivait, c'est lui qui était celui. On ne tord pas la parole du Seigneur. Dieu dit quelque chose, on dit exactement tel qu'il a dit. S'il demande de faire quelque chose, on fait exactement comme il a dit qu'on le fasse. On ne s'en détourne ni à gauche, ni à droite. Quand tu vas faire cela, on va te taxer des fanatiques, des radicales. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des carrés. De quelqu'un datant de cette époque. Tu crois qu'on est dans le ciel ici? Dieu lui dit qu'il n'y a pas. La Bible, ce n'est pas fait pour être obéi en haut, c'est en bas. Que c'est pour ça que tu te trouves ici. Amen. On avance ici. Verset 20. Saul répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Regardez l'être humain. Sachant qui est devant lui. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Le Samuel a entendu dire que. Il a d'abord commencé par dire que. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit cette nuit te concernant. Pourquoi tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Il devait savoir d'ailleurs, même s'il avait oublié l'époque, il devait savoir qui est devant lui. La position où il se trouve, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de bœufs à côté. Il dit, j'entends les bêlements et le rugissement de ces choses-là. Comment il devait savoir que celui-ci n'était pas là? Comment il a vu que, ça veut dire qu'il a dit que quelque chose est encore vivant, il a dû faire du bruit. Ah, le peuple a épargné les meilleurs. Il dit, pourquoi n'as-tu pas oublié la voix de Dieu? Non, j'ai obéi à sa voix. Regarde ce qu'il dit. Il discute avec le prophète. J'ai obéi à sa voix. Regardez bien. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, hein, et je ne devrais pas interdire les Amalécites. Il avait amené le roi d'Agag, c'était contenu dans le programme. Non. Et il est en train de discuter avec le prophète. Mais, voilà encore le mot. Mais, entouré. Mais c'est quand même curieux ça. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et remarquez là où il allait faire Gilgal, roulé par-dessus. La pierre a été roulée par-dessus, donc le prouve a été enlevé. Il allait verser là-bas, pourtant c'est le prouve qu'il a dû mettre sur lui. Gilgal. Roulé par-dessus. Car c'est quand même terrible. Il dit qu'ils ont fait comme ça, ils ont sacrifié à Gilgal. Donc il ajoute encore même des péchés, il dit qu'ils ont allé sacrifier là-bas. Alors qu'il n'est pas un sacrificateur. C'est pas terrible ça, frère. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Soulignez-moi ça, frère. Si vous allez la souligner, mettez la peinture sur ça. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question qu'il lui a posée. Il me dit ceci, écoutez très attentivement. Il y a des gens qui travaillent. Ils ont de l'argent, des salaires, comme les pasteurs font là. On dit que donne ta dîme, donne ton offrande. On ne veut pas savoir si lui ou non vit dans le péché. Même s'il vit avec des femmes non mariées, même s'il vit dans l'impudicité, on ne dit rien par rapport. Même si c'est une fille qui porte les mèches, n'importe quoi, les pantalons, les fesses sont dures comme ça qu'on les soupçonne, on ne dit rien par rapport. L'important, c'est son argent. Dieu dit que le sacrifice qu'on a lui donné là-bas, ce n'est pas important pour lui. Il veut que tu marches dans l'obéissance. Il a d'abord dit que je veux que les gens soient dans la sainteté. Voilà ce qui lui est important. Donc il veut plus la sainteté que ton argent que tu viens donner. Il prend plaisir, c'est le mot qu'il utilise. Il prend plaisir à l'obéissance, que tu manges dans la sainteté. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans le holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Remarquez très bien, il dit l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donc quand la bouche de Dieu sort une parole, on doit marcher d'après cela, on doit obéir. N'est-ce pas? Puis il dit au deuxième volet, voici, mais l'obéissance vaut mieux que les... Souligner, frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, tout ce que tu vas faire devant Dieu, n'essaie pas de dire que j'ai fait ceci pour Dieu, j'ai donné l'argent aux orphelins, j'ai fait ceci. Dans Jacques chapitre 2, le verset 27, la Bible déclare par exemple, dans le livre de Jacques chapitre 2, que la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste un, à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et, conjonction de coordination, à s'abstenir des souillures du monde. C'est ce genre de verset qui arrête tous les philanthropes du monde. Tous les philanthropes. Vous savez, n'est-ce pas? S'il n'y a pas le deuxième volet et à s'abstenir des souillures du monde, et tu vas entrer au ciel pour cela, il fait la religion qui est puissante devant Dieu. Mais comme il y a à s'abstenir des souillures du monde, il va faire le premier volet, le deuxième volet va le caler. Et par conséquent, il n'a rien fait. Parce qu'on ne fait rien, on laisse un, on laisse deux. Vous savez, n'est-ce pas? Non, il soutient les orphelins, oui. S'abstient-il de celui du monde? Non, il a annulé le reste. Parce qu'il a rejeté Dieu. Dieu veut que si tu fais ceci, tu fais ceci. Voilà ce qu'il dit de la Bible. Voilà la position de la Bible. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous avez vu? Tourne-toi vers quelqu'un. Dis, observe la voix de Dieu. Sois obéissant au Seigneur. C'est mieux pour toi. Que tes danses, tes hallelujah, tes cris de joie. Voilà. Ça va? Maintenant, en contre, verset 23. En contre. Donc, si tu veux obéir, sache que l'obéissance est plus important que ce que tu vas donner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On a lu, n'est-ce pas? Maintenant, disons le verset 23. Regardez. Car la désobéissance est aussi coupable que la... Soulignez. Et puis, je vais vous expliquer. Qui ici va encore chez les marabouts? Personne. Comment dis-tu personne? Tu es dans le monde. Tu es sûr que ce n'était pas fort celui-là d'aller voir quelqu'un qui voit? Soyons sérieux, d'accord? Qui ici va encore chez les marabouts? Lève la main. Vous n'avez pas la main, non? Ok. Qui connaît ce qu'on appelle la divination? Vous savez ce qu'on appelle la divination? Vous allez chez le marabout, on vous donne les bonnes nouvelles, on vous dit les choses. Celui-là, il souligne, il n'entend pas. Lève la tête. Tu comprends ce qu'il dit? La question qui est posée, ça comprend la question qui est posée? Oui. Voilà. Il dit qui ici va encore chez le marabout? Ils ont dit, quelqu'un a dit oui, que c'est lui. Il est là. Et toi, tu as dit quoi donc? Mais là, tu connais ce qu'on appelle la divination. Non. Quand on parle chez le marabout, c'est que quand il te rencontre, il te dit des choses comme ça. D'accord? C'est ça la divination. Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, ça veut dire que si tu désobéis à Dieu, l'une des choses qu'on va citer dans la Bible, c'est que Dieu va te frapper de la même façon comme un marabout. Il y a ceux qui consultent les devins. Ils sont coupables d'avoir consulté. Celui qui pratique la divination, c'est de lui dont on a parlé ici. Donc, si tu désobéis à Dieu, devant Dieu, tu es un marabout. Ou mieux encore, pour ne pas être trop dur, un sorcier. C'est ça, n'est-ce pas? Regarde ton prochain encore, pointe encore le doigt. Tu vas sauf qu'obéir. À la voix de Dieu. Sinon, la Bible t'appelle sorcier. Il a dit car la désobéissance. J'espère que c'est pas Dieu, mais c'est la vérité, pas vrai? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance. Il arrive la finale, regardez bien. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphèmes. Ça veut dire que, écoutez bien, attentivement. Allons dans Proverbe chapitre 9. C'est merveilleux ça. Gardez le doigt ici. Allons dans Proverbe chapitre 28 là. Proverbe, le livre de Proverbe. Vous y êtes. Gardez ce que nous avons lu dans ce livre de Proverbe. Ce proverbe, si vous ouvrez les psaumes, Proverbe se trouve tout juste après. Vous ouvrez les psaumes, Proverbe se trouve tout juste après. Gardez ce qu'on a lu dans le verset. Non, mais ne dérange pas la. Donne-lui. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans le verset 23. La partie A dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et puis le deuxième volet dit et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il est terrible. C'est terrible. Attendez doucement. Il dit mais gardez cela apparemment qu'on va lire ici maintenant. J'ai dit que vous prenez Proverbe au chapitre 28. D'accord. Je vais vous expliquer le deuxième volet. Regardez. Verset 9. Vous êtes tout le monde avec moi. Verset 9 du chapitre 28 des Proverbes. Écoutez. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous avez vu ça? Non, Dieu est bon. Couvre ta tête, femme, pour prier. Non, je veux prier comme ça, mais je sais. Ah! Dieu dit que pour venir vers moi, cours. Tu dis que je vais aller comme ça. Si Dieu détruisait, franchement, je vous le dis, c'est qu'il a déjà détruit les populations féminines. Mais comme il ne frappe pas comme il frappait avant, c'est le plus dangereux. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Si le courant électrique, si vous touchez le courant électrique comme ça, le fait que ça faisait brrr, si ça ne faisait pas ça pour te permettre de quitter rapidement et que ça suçait le sang selon un petit feu, si tu vas mettre ton main sur le courant, ça va pas envoyer que ton sang est fini, tu tombes seulement là, tu meurs. C'est-à-dire quoi? Les choses qui tuent à petit feu sont plus dangereuses que ce qui réagit rapidement. C'était mieux que Dieu frappe comme il frappait dans la Sainte-Isabelle. Quand il fait, toi, chacun dit qu'il faut te ranger. Vous avez vu David? Quand il allait prendre l'arc, il allait, il dit, oh, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Il était devant là, ten, ten, ten, ten, ten. Quand ça fait gr, il a tendu la main. Le feu sorti de devant, toi, c'est mort. David a commencé à faire comme ça. Quand amené chez Obed, c'est Obed là-bas. Il a dit qu'on amène là chez Obed, alors qu'il était devant là, il allait danser. Quand il a vu comment Dieu a réagi comme ça, il a compris que si la main chez lui, le bêtise qu'il fait là, c'est que ça va brûler que la maison. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que, quand il a frappé, il a compris, pas vrai? Si Dieu frappait comme ça, ça va faire que, et remarquez dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, quand il a frappé, Ananias a frappé, tiens, la Bible déclare que la prince s'emparera de chacun. Quand tu vends ton champ, tu dis que c'est 200 000. 200 000, c'est 200 000 pierres. On dirait comme ça, tu dis, ne fais pas que je me dis, 200 000. Parce que la crainte s'est emparée. Pas vrai, frère? Vivement que Dieu agit encore comme ça. Parce que quand ça fait comme ça, c'est le fait qu'il n'agit pas comme ça qui fait que les femmes raisonnent. Que les gens disent, tu penses que. Donc il est fou de dire à Pierre, à Paul, que écrit pendant 16 versets dans un chapitre que c'est pas bon pour une femme. Juste dans vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature, elle met nous dans cette part. Donc Dieu, en créant la nature, a mis même dans la nature les enseignements là. Donc dans son plan, pour indiquer à la femme que tu dois prier avec le voile, pour indiquer à l'homme que tu dois pas avoir longs cheveux, il a mis les prophéties dans la nature. Que si vous recevez la Bible, tournez-vous dans la nature, vous allez voir la même chose. Un être humain vient dire que ce n'est pas important. Que lui ne voit pas lui en quoi ça consiste au salut. Que c'est raisonnable que... Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Donc ici, il dit dans ce proverbe chapitre 28, verset 9, il dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Non, prêche, tu ne veux pas écouter. Ne prie pas ce que tu as de tenter Dieu. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Il dit que si quelqu'un détourne l'oreille. Alors, donc, maintenant, revenons maintenant en toile de fond. N'ayez pas dit revenir avec la Bible. Ne revenez pas. J'arrive. Il a dit dans le verset 23 de 1 Samuel 15, il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. On dit quitte-la, je résiste. Quitte-la, je résiste. Tu as vu? Il dit que tu es exactement comme quelqu'un qui sert à l'église catholique et puis les idoles. Donc tu as dit non, j'ai quitté l'église catholique depuis, tu es encore en plein là-dedans. Tu as seulement pris une autre façon d'appeler l'église catholique. Si vous savez, on peut dire l'église catholique, on peut dire l'église universelle, non? Quand l'église universelle, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Si tu dis église universelle, tu parles de qui? L'église catholique. Donc tu as seulement quitté Marie, catholique, l'idolâtrie, pour faire un autre style d'idolâtrie. Là, parce que déjà l'idolâtrie, qu'on résiste seulement. C'est Dieu qui parle, mes frères. Vous savez, n'est-ce pas? Soyons obéissants. Soyons obéissants. Donc dans ce livre de Proverbes, chapitre 28, il dit si quelqu'un détourne l'oreille, ne pas écouter la loi. Donc, prêche, je dis, je ne veux pas écouter ça, il dérange. Je pipe, c'est. Après, tu cites même toi-même un verset biblique. Que la Bible déclare qu'examiner ce qui est bon. Examiner, retenir ce qui est bon. La parole, plus après, tu examines quoi dans la parole qui est bon. On n'a pas dit que tu parles à la parole. Tu peux piper ce qui te plaît. C'est parce que la Bible ne donne pas cette ouverture-là à quelqu'un. Toute écriture est inspirée de Dieu. Expirée de Dieu. Théonosis. Expirée de Dieu. Utile pour corriger, pour reprendre, pour enseigner. Donc, Dieu ne donne pas l'ouverture à l'homme de raisonner avec ses écritures. L'homme est l'homme. Il est le divin potier. Nous devons marcher comme il le veut. Voici le pot qui est ici là. Depuis qu'elle est tombée, c'est cassé là. Vous avez vu, elle a crié. On a pris la musique d'elle qui veut être sur la table. Mais pourquoi nous raisonnons avec Dieu? Est-ce que vous avez vu un jour là-bas? Il s'est baissé pour regarder l'autre pot. Il dit pourquoi vous me dites celle-là là-bas? C'est une lettre humaine qui est derrière Dieu pour lui demander pourquoi elle a fait comme ça. Pourquoi elle a dit que Dieu nous pardonne. Verset 13, maintenant je vais lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais les pentecôtistes aujourd'hui avec les docteurs prospérités, on dit que non, l'important c'est qu'il n'y a plus de péché. D'autres péchés, il n'y a plus de péché. La Bible dit que si tu caches tes transgressions, beaucoup portent la veste, vivent dans l'adultère. Portent la veste, vivent dans le péché. Les femmes là-bas avortent, couchent avec les pasteurs. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, nous trouvons encore avec ces versets-ci, avec l'histoire de Saül. Quelqu'un qui cachait ses transgressions. J'ai oublié la voix de Dieu. La parole de Dieu dit clairement que tu n'as pas obéi. À l'examen de ce qui s'est passé sur la place. Et ce que Dieu a dit, en comparant, on voit effectivement qu'il n'a pas obéi. Mais il a déjà dit qu'il a obéi à Dieu. Donc il a déjà caché ses transgressions. Dieu dit qu'il ne prospérera point. Mais qu'est-ce que David a fait lorsqu'on lui avait dit que tu as couché avec la femme de cet homme, c'est toi. Première chose, il a avoué ses transgressions. Regardez le psaume 32, le psaume 50, ce qu'il en a dit par rapport à cela. Heureux à qui l'iniquité n'est pas retenue. À qui le ténèbre n'impute pas son péché. Ou est-ce là? Si Dieu ne t'impute pas tes péchés, frère, tu es heureux. Mais si c'est retenu contre toi, tu es fichu. Faisons attention. Soyons obéissants. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière. Reconnaissance et d'amour. Dans les bons, les mauvais jours. Tant que Dieu Prions notre Dieu, Père, qui nous donne à lui être obéissant en toutes choses. Il nous donne à lui être obéissant en toutes choses. Et que l'esprit de discussion, de raisonnement nous quitte. Et qu'il nous donne à lui être obéissant en toutes choses. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous avons toujours la joie, Seigneur, de manger à ta table. Et nous te disons merci de ce que tu nous as rassemblés ici en ce jour. Et tu nous as donné ce qui est nécessaire et bon pour notre âme. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu ne cesses de manifester ton amour au milieu de nous. Et tu ne cesses, ô Dieu, de nous enseigner à connaître tes voies. Et à marcher, ô Dieu, dans cette merveilleuse voie. Père, notre cœur dans la joie, nous te disons merci. Et nous ne pouvons rester insensibles, Seigneur, de ce merveilleux repas que tu nous as donné à déguster. Et même, Seigneur, que tu nous as donné à déguster ce repas, nous te supplions tant que Père, de nous donner, ô Dieu, de vivre cette parole-là, que ce repas que tu nous as donné vit en nous, Seigneur. Oui, nous t'en supplions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Dieu du ciel, de l'ami, à être obéissant en toutes choses. Oui, comme des enfants obéissants, Seigneur, nous voulons t'obéir. T'obéir dans toutes tes paroles, dans tous tes commandements, dans tous tes préceptes, ô Dieu du ciel, de l'ami. De même, nous te supplions, Père, d'éloigner de nous le raisonnement, Seigneur. Que notre raisonnement n'était fait jamais, ô Dieu, dans ta parole. Que notre raisonnement n'était fait jamais, ô Dieu, dans ta parole. Mais que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, que tout ce que tu as jugé bon de nous, prescrit de nous, recommander, Seigneur, que nous faisons plaisir à le mettre en pratique, Seigneur. Oui, à mettre cela en pratique dans le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu nous as donné aujourd'hui de comprendre, puisque tu nous as donné, ô Dieu, la joie de désirer ce. Ma Père, accomplis donc ta parole dans notre vie, Seigneur. Rends-nous obéissants en toutes choses, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force de te suivre. Oui, ce cantique est pour nous notre sujet de prière, Père. Te suivre jusqu'au bout. Te suivre jusqu'au bout, tendre Père, et compter sur toi, malgré les difficultés, les peines, malgré, ô Dieu, les obstacles, nous comptons sur toi, car nous voulons te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous la force nécessaire pour te suivre. Donne-nous, ô Dieu, avoir les regards fixés sur toi. Donne-nous, Père, la force et la détermination, ô Seigneur, chacun de nous pour s'engager dans cette voie-là et marcher sans regarder à gauche ni à droite, sans se détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais ayant les regards fixés sur toi et nous soumettant nous-mêmes à toi, Seigneur, afin que toi, ce tu dis de nos pas, car nous avons cette confiance en toi, Père. Puisque tu es notre espérance, nous déposons entièrement notre confiance en toi. Conduis-nous, Seigneur, car nous savons que c'est pour notre bonheur. Tu nous conduis sur la voie de l'éternité. Veille nous conduire, Seigneur, et veille nous donner à être obéissant, tendre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car nous, étant tes enfants, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire car nous avons reconnu ton sacrifice. Nous avons reconnu ton amour. Nous avons reconnu tes bontés dans notre vie, Père. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Père, afin que tu nous conduis jour et nuit. Et que tu nous rappelles tes paroles, ô Seigneur, quand nous sommes devant le peuple. Afin que nous ne n'abandonnons point la route. Afin que nous ne fléchissons point, Seigneur. Mais que nous marchons, ô Monsieur, que nous marchons. Père, nous te supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu nous aimes. Merci de ce que tu es attentif à nos cris. Merci de ce que tu nous exhaustes. Merci de ce que tu nous donnes ce qui est nécessaire pour te suivre. Merci Dieu du ciel et de la terre. L'honneur et la gloire te reviennent, roi, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Vivre en tout Seigneur, Agréable d'une très bonne odeur, Seigneur, ce que tu agrées. Ô Dieu du ciel et de la terre, nous ne voulons plus vivre de nous-mêmes. Nous ne voulons plus, ô Seigneur, vivre de nous-mêmes, car nous n'avons pas les capacités de garder notre vie. Mais toi, notre rocher, toi, notre grand Dieu et grand roi, garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Garde-nous, ô Dieu du ciel et de la terre, dans tes voies, Père. Garde-nous sur ton abri. Garde-nous sur ton zèle, ô Seigneur, afin que nous retrouvions notre Père, notre sainteté et la pureté de cœur. Détourne nos pensées de ce monde, Seigneur. Détourne nos pensées des choses vaines. Détourne nos pensées des convoitises, ô Seigneur. Mais fixe notre cœur, notre regard vers toi. Afin que, ô Dieu, notre cœur soit entièrement à toi. Car nous t'aimons et tu es notre trésor. C'est pourquoi nous te livrons notre cœur, notre âme, notre esprit. Afin que tu règnes Père sur notre vie. Oui, Dieu du ciel et de la terre, tu as dit là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Oui, Seigneur, tu es notre trésor. Prends aussi de même notre cœur. Afin que, Seigneur, en toute chose, en tout moment, en tout lieu, Seigneur, nous pensons à toi et que nous t'obéissons en toutes choses. Père, tu es notre roi et nous tous, Père, nous déposons entièrement notre confiance en toi avec assurance. L'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.